إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، لازلنا في مجالس شهر رمضان، ونحن الآن أو اليوم في المجلس الثاني، وقد تحدثنا أمس عن فضائل شهر رمضان وعن فضائل الصيام عموما وفضل الصيام في شهر رمضان خصوصا. Donc nous sommes toujours dans les assises du Ramadan, du mois du Ramadan. Cette assise est la deuxième. Hier, nous avons parlé des mérites du mois du Ramadan, des mérites du jeûne de façon générale et du mérite du jeûne durant le mois de Ramadan. سنتحدث عن حكم صيام رمضان. وصيام رمضان أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Le jeûne du Ramadan est un pilier de l'islam et fait partie de ses plus immenses et plus solides structures. Allah subhanahu wa ta'ala, dans les versets 183 et à 185 de Sourate Al-Baqarah, dit selon le sens: ô vous qui avez cru, il vous a été prescrit le jeûne du Ramadan, comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédé, peut-être atteindrez-vous la piété. Puis Allah azza wa jalla dit dans le sens: ayyaman ma'doudat, pendant un nombre déterminé de jours. Le mois de Ramadan est un mois dans lequel les jours sont déterminés et sont comptés. Quiconque d'entre vous est malade ou en voyage devra jeûner un nombre égal d'autres jours. Wa 'ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Mais pour ceux qui ne pourraient le supporter qu'après une grande difficulté, il y a une compensation, à savoir de nourrir un pauvre. Et on verra par la suite que ce verset de Sourate Al-Baqarah a été abrogé par le verset suivant. Et qu'au début de l'islam, les gens avaient le choix soit de jeûner ou soit de ne pas jeûner, mais de donner une compensation pour celui qui ne jeûnait pas. Et si quelqu'un fait plus de son plein gré, cela est mieux pour lui. C'est-à-dire celui qui, au début de l'islam, ne jeûnait pas et préférait donner une compensation, à savoir de nourrir un pauvre, Allah Azza wa Jal encourageait à faire plus. فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا, c'est-à-dire à nourrir plus qu'un pauvre. Celui qui nourrit plus qu'un pauvre, cela est meilleur pour lui. وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ, et si vous jeûnez, cela est bien mieux pour vous si vous saviez. Et Allah Azza wa Jal dit dans le sens du verset شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن, le mois du Ramadan au cours duquel le Coran est descendu. C'est-à-dire que la descente du Coran a commencé pendant le mois de Ramadan. Ce Coran a été descendu comme guide pour les gens et preuve claire de la bonne direction et du discernement. Puis Allah Azza wa Jalla dit dans le sens, quiconque d'entre vous est présent en ce mois, qu'il jeûne. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ, et c'est cette parole d'Allah Azza wa Jal qui abroge la première. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينَ, l'autre parole d'Allah Azza wa Jal, فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ, celui d'entre vous qui est présent en ce mois, qu'il jeûne. Ici c'est une obligation et il n'a plus le choix entre jeûner ou ne pas jeûner et donner une expiation. وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ, et celui qui est malade ou en voyage, alors il devra jeûner un nombre égal d'autres jours. Allah veut pour vous la facilité et il ne veut pas pour vous la difficulté, afin que vous complétiez le nombre de jours à jeûner, et afin que vous proclamiez la grandeur d'Allah de par cette chose vers laquelle il vous a guidé, peut-être serez-vous reconnaissant. Et les savants ont déduit de la fin de ce verset, notamment que le musulman, lorsqu'il a terminé le jeûne du Ramadan, lorsque entre le mois de Shawwal, autrement dit le jour de Eid al-Fitr, qu'il est légiféré de proclamer la grandeur d'Allah. « وَلِتُكَبِّرُوا عَلَى مَا هَدَاكُمْ » à savoir de proclamer la grandeur d'Allah. C'est pour cela que le musulman fait le takbir le jour de l'Eid, en se rendant à la prière et en revenant, il proclame la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala de par ce qu'Allah azza wa jalla, ou vers quoi Allah azza wa jalla l'a guidé, à savoir de lui avoir permis de jeûner ce mois du Ramadan dans sa totalité, et qu'Allah Azza wa Jal lui ait permis d'atteindre la fin de ce mois et ainsi de bénéficier du bienfait d'Allah Azza wa Jal. Le jeûne du mois du Ramadan est donc une obligation. Et l'obligation de jeûner le mois de Ramadan ne fait aucun doute. Pour preuve ce verset, mais également de nombreux hadiths. Parmi ces hadiths, le hadith que vous connaissez tous, d'Abdullah ibn Umar radiallahu anhu, Bunya l'islamu ala khams, shahadati an la ilaha illallah, wa anna Muhammad rasulullah, wa iqami s-salah, wa ita'i zakah, wa hajj al-bayti, wa sawmi ramadan. Que l'islam est basé sur cinq piliers, l'attestation que nul ne mérite d'être adoré qu'Allah, et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est l'envoyé d'Allah, d'accomplir la prière, de s'acquitter de la zakat, d'accomplir le pèlerinage et de jeûner le Ramadan. l'obligation de jeûner le ramadan est donc tirée du livre d'Allah, de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais cela fait également l'unanimité des musulmans. Et les musulmans sont unanimes de façon catégorique de l'obligation de jeûner le mois du ramadan. Et cela fait partie des sujets que les savants appellent al-ma'lumu min ad-din bid-darura, que c'est une chose que nul n'est censé ignorer. Et celui qui renie l'obligation de jeûner le mois du ramadan renie l'obligation de jeûner le mois du ramadan sort de l'islam wal'iyadu billah, et a mécru, car il aura considéré mensonge la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et la parole de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le jeûne du mois du ramadan a été prescrit en l'an 2 de l'Hégire. فرض صيام رمضان في السنة الثانية من الهجرة. Ainsi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jeûné le mois du ramadan pendant 9 années alayhi salatu wa salam. Et l'obligation du jeûne du ramadan s'est faite en deux étapes. المرحلة الأولى التخيير بين الصيام والإطعام مع تفضيل الصيام عليه. La première étape, c'était le choix de jeûner le mois du Ramadan ou bien de ne pas jeûner mais de donner une compensation qui est de nourrir un pauvre. Mais le mieux est de jeûner. Le mieux était de jeûner. Car Allah Azza wa Jalla a dit « Wa anta sawmu khayrun lakum in kuntum ta'lamun » Et si vous jeûnez, cela est meilleur pour vous si vous saviez. Donc c'était la première étape. Avant la deuxième étape qui est l'obligation formelle sans avoir d'autre choix que de jeûner. Et la preuve est le hadith ou la parole du compagnon Salam ibn al-Aqwa' radiyallahu ta'ala anhu. قال لما نزلت وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كان من أراد أن يفطر ويفتدي يعني فعل حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها يعني بها قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر فأوجب الله الصيام عينا بدون تخيير. سلم بن الأكوع رضي الله عنه. Comme cela est rapporté dans le Sahih de Bukhari Muslim, a dit, radiyallahu anhu, lorsque la parole d'Allah Azza wa Jal, wa ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, ceux qui ne pourraient le supporter, c'est-à-dire le jeûne, qu'avec grande difficulté, il y a une compensation de nourrir un pauvre. Celui qui voulait rompre et donner une compensation pouvait le faire. Donc ici c'est toujours Salam ibn al-Aqwa radiyallahu anhu qui part. Jusqu'à ce que le verset suivant soit révélé et vienne l'abroger. À savoir la parole d'Allah Azza wa Jal, فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ. Celui qui est présent en ce mois, qu'il le jeûne. Et celui qui est malade ou en voyage rattrapera ses jours dans d'autres jours. Allah Azza wa Jal, donc Salam ibn al-Akwa' radiallahu anhu dit, Allah Azza wa Jal a alors ordonné le jeûne de façon explicite sans donner le choix. ولا يجب الصوم حتى يثبت دخول الشهر. Et le jeûne du mois du Ramadan n'est obligatoire que lorsque le mois entre. Ainsi, on ne jeûne pas avant l'entrée du mois de Ramadan. La preuve est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporté par Al-Bukhari: La yataqaddaman ahadukum bi sawmi yawmin aw yawmayn illa an yakuna rajulun kana yasumu sawmahu falyasum dhalika al-yawm. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'un d'entre vous ne précède pas en jeûnant, ne précède pas le mois du Ramadan en jeûnant un jour ou deux. Autrement dit, en jeûnant le 29 ou le 30 du mois de Sha'ban. Sauf pour un homme qui avait l'habitude de jeûner alors qu'il jeûne ce mois. Comme ceux qui jeûnent 3 jours par mois, comme ceux qui jeûnent le lundi et le jeudi par exemple. Si le lundi coïncide avec la veille de Ramadan, le 30e jour ou le 29e jour de Sha'ban, alors il lui est autorisé de le jeûner car il avait pour habitude de jeûner le lundi et le jeudi. Et ce jour ou ces 2 jours qui précèdent Ramadan coïncident avec un lundi ou un jeudi. Et l'on atteste de l'entrée du mois de Ramadan à travers 2 moyens. وَيُحْكَمُ بِدُخُولِ شَهْرِ رَمَضَانِ بِوَاحِدٍ مِنْ أَمْرَيْنِ. الأمر الأول رؤية هلاله لقوله سبحانه وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصوم ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا. Le premier moyen par lequel l'on peut attester de l'entrée du mois du Ramadan, c'est le fait de voir le croissant lunaire, le croissant de lune du mois de Ramadan. La preuve dans le Coran est la parole d'Allah Azza wa Jal: ceux d'entre vous qui sont présents durant ce mois, qu'ils le jeûnent. Et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam vient expliquer le Coran. La parole d'Allah Azza wa Jal, فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرُ. Celui qui est présent pendant le mois du Ramadan, qu'il le jeûne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous explique en disant إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا. Lorsque vous voyez le croissant lunaire, alors jeûnez. C'est donc le premier moyen légiféré par lequel l'on atteste de l'entrée du mois, d'observer le croissant lunaire. Et il n'est pas impératif que le croissant lunaire soit vu par tout le monde. Il suffit qu'une personne remplissant un certain nombre de conditions ait vu le croissant pour que le reste des musulmans jeûnent et prennent en compte cette vision. Les conditions pour que la vision du croissant lunaire soit validée: tout d'abord, celui qui a constaté et qui a vu le croissant lunaire doit être pubère. Il doit avoir sa raison. Il doit être musulman. Et il doit être digne de confiance, que ce soit dans la véracité de ses paroles de façon générale, mais également digne de confiance dans la qualité de sa vue. Celui qui a une vue faible, l'on ne peut accepter de lui l'attestation qu'il ait vu le croissant lunaire. Car le premier croissant est souvent très fin et demande une vue affûtée. Et demande aussi de l'expérience. Car ceux qui recherchent le croissant lunaire, le premier croissant lunaire, doivent savoir où regarder dans le ciel. Et doivent savoir quand regarder dans le ciel. Et le croissant lunaire, pour qu'il puisse être visible, le premier, il faut qu'il ait été vu après le coucher du soleil. Et il est quasiment impossible de le voir avant le coucher du soleil. À la Goulihal, une personne pubère qui a sa raison, qui est musulmane, qui est digne de confiance, qui voit le croissant lunaire de Ramadan, alors sa vision doit être prise en compte et les musulmans doivent jeûner en se basant sur cette vision. Et un seul témoignage suffit. La preuve est la parole de Abdullah ibn Umar radiallahu anhu, où il dit radiallahu anhu: tara an-nas al-hilal fa akhbartu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam anni ra'aytu fa sama wa amara an-nas bi-siyami. Abdullah ibn Umar radiallahu anhu dit: les gens étaient à la recherche du croissant lunaire, c'est-à-dire qu'ils scrutaient le ciel à la recherche de ce croissant lunaire de Ramadan. Et cela nous prouve que au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens donnaient de l'importance à la vision oculaire du croissant lunaire. Tara an-nas al-hilal, les gens recherchaient le croissant lunaire. Et j'ai informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam que je l'ai vu. Il a alors jeûné et a ordonné aux gens de jeûner. Cela est le premier moyen qui permet d'attester l'entrée du mois de Ramadan. Le deuxième moyen: ikmal al-shahr al-sabiq qablahu 30 yawma. Le deuxième moyen est que le mois de Sha'ban atteigne les 30 jours. Lorsque le mois de Sha'ban est complété de 30 jours, de façon certaine, le lendemain sera le premier jour de Ramadan. Ceci car les mois lunaires ne peuvent excéder 30 jours et ne peuvent être constitués de moins de 29 jours. Un mois lunaire, le minimum est de 29 jours. Le maximum est de 30. Un mois lunaire ne peut être composé que de 28 jours et il ne peut atteindre 31 jours. Lorsque le mois de Sha'ban atteint 30 jours, le lendemain, c'est le mois de Ramadan. Il est possible que des mois lunaires se succèdent, 2 mois, 3 mois, 4 mois, en étant des mois de 29 jours, par exemple. Comme il est possible que des mois lunaires se succèdent les uns après les autres, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, en étant composés de 30 jours. Mais en général, la moyenne est que il y a deux mois complets et 1 mois de 29 jours. Ça, c'est la moyenne. Ainsi, le fait que le mois de Sha'ban soit complété de 30 jours, cela est un moyen légiféré d'attester l'entrée de Ramadan le lendemain. La preuve est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam rapportée par Muslim. Sawmu li ru'yati wa aftiru li ru'yati fa in ghummi 'alaykum ash-shahr fa'uddu 30. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, jeûnez à sa vision, à la vision du croissant lunaire, et rompez à sa vision, c'est-à-dire à la vision du croissant lunaire. Jeûner à sa vision, c'est-à-dire à la vision du croissant lunaire de Ramadan, et romper à sa vision, c'est-à-dire à la vision du croissant lunaire de Shawwal. فَإِنْ رُمِّيَ عَلَيْكُمْ. Si des nuages viennent s'interposer entre vous et la vision du croissant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit fa'uddu 30, alors comptez 30 jours. Si vous ne voyez pas le 29e jour le croissant lunaire parce que le ciel est couvert, alors complétez le mois à 30 jours. Donc les moyens qui permettent d'attester l'entrée de Ramadan sont de deux: la vision du croissant lunaire ou le fait de compléter le mois précédent à 30 jours. Quant aux calculs astronomiques, et se baser sur les calculs astronomiques pour déterminer l'entrée du mois de Ramadan, cela n'a aucune source dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les savants sont unanimes que cela ne doit pas être pris en compte. Et les calculs astronomiques, quelle que soit leur précision, et quelles que soient les évolutions de la technologie, ne pourront jamais attester que le croissant a été vu. Les calculs astronomiques donnent la visibilité. Est-ce qu'il est possible de voir le croissant ou non? Mais ils ne vous attesteront jamais que le croissant a été vu. Ce sont les yeux qui attestent. Car les calculs astronomiques ne prédisent pas les conditions météorologiques. Ils vous disent que si le ciel est dégagé, etc., le croissant peut être vu. Mais il y a un certain nombre de phénomènes atmosphériques qui font que le croissant, même si les calculs attestent qu'il peut être vu, n'est pas vu. Parce que ce jour-là, le ciel n'était pas dégagé. Parce que ce jour-là, il y avait de la poussière atmosphérique. Parce que ce jour-là, il y avait un taux d'humidité trop élevé. Et ainsi de suite, énumère les facteurs qui ont une influence sur la vision du croissant lunaire. Ainsi, les savants de l'islam se sont prononcés d'une seule et même parole pour ne pas prendre en compte et ne pas se baser sur des calculs astronomiques dans la détermination de l'entrée du mois de Ramadan. Et j'ai fait à ce sujet une conférence, l'entrée du mois du Ramadan, calcul astronomique ou vision, qui est disponible, inshallah ta'ala, dans le site La Voie Droite, dans laquelle on a détaillé l'avis des savants à ce sujet. Donc, l'obligation de jeûner le mois de Ramadan intervient lorsque le mois de Ramadan entre, soit par la vision du croissant lunaire, ou soit par la complétude du mois de Sha'ban, à savoir que le mois de Sha'ban est atteint les 30 jours. Et il est interdit de jeûner, comme je l'ai dit, le 30e jour du mois de Sha'ban. Car des personnes peuvent vous dire, mais si le 29e jour du mois de Sha'ban, on aurait pu voir le croissant, mais le ciel était couvert. Le croissant était là, derrière les nuages. Donc, pour moi, le mois de Ramadan est entré le lendemain. Donc, je préfère, par précaution, jeûner le 30e jour de Sha'ban. Nous lui disons non, car tu contredis la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, fa in rummiya alaykum ash-shahr fa'uddu 30. Et dans d'autres versions, fa'akmilu al-'iddata 30. Si des nuages s'interposent entre vous et le croissant, alors complétez le mois de 30 jours. Et les compagnons radiallahu anhum étaient catégoriques sur ce sujet, parmi eux Ammar ibn Yasir radiallahu anhu, qui dit: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. Celui qui jeûne le jour du doute, il a alors désobéi au prophète صلى الله عليه وسلم. On va parler maintenant des sagesses. On va parler maintenant des sagesses de prier les nuits de Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré à ses serviteurs de nombreuses adorations. Et Allah subhanahu wa ta'ala, le tout sage, a fait en sorte que ces différentes adorations soient diverses et variées. Ceci afin que ses serviteurs ne soient pas pris de lassitude en ne faisant qu'une seule et unique adoration. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que il y a des adorations qui sont obligatoires, dans lesquelles le musulman n'a pas le droit de faire preuve de manquement à leur égard, et il y a d'autres adorations qui, elles, sont surérogatoires, qui permettent à celui qui le veut de se rapprocher encore plus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Des adorations, des actes surérogatoires qui permettent aux croyants de compléter les manquements qu'il aurait pu faire dans ces adorations obligatoires. Et parmi ces adorations, il y a la prière. Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit 5 prières obligatoires, le jour et la nuit. 5 prières qui sont accomplies et pour lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala accorde la récompense de 50 prières. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous encourage à faire plus que ces 5 prières, afin de se rapprocher de lui subhanahu wa ta'ala, et afin de pallier aux manquements qui sont présents lorsque nous accomplissons nos prières obligatoires. Parmi ces prières surérogatoires qu'il est recommandé d'accomplir, ce que les savants appellent ar-rawatib, ces prières surérogatoires qui sont liées aux prières obligatoires, à savoir rak'atay al-fajr, les 2 rak'at que l'on fait avant la prière de sobh, 4 unités de prière avant la prière de dhuhr, 2 unités de prière après la prière de dhuhr, 2 unités de prière après la prière de maghrib, et 2 unités de prière après la prière de l'isha. Ce sont ces prières surérogatoires que les savants appellent ar-rawatib. Mais il y a bien d'autres prières surérogatoires. Et la meilleure de celles-ci est sans aucun doute la prière de nuit, salatul layl. لأن الله سبحانه وتعالى امتدح القائمين بها. قال الله تعالى والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وقال سبحانه تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. La prière nocturne, la prière de nuit est la meilleure des prières surérogatoires. Allah subhanahu wa ta'ala a fait les éloges de ceux qui prient la nuit. Il dit subhanahu dans le sens ceux qui passent les nuits prosternés et debout devant leur Seigneur. Et il dit subhanahu wa ta'ala dans les versets de sourate al-Sajda, ils s'arrachent de leur lit pour invoquer leur Seigneur par crainte et espoir, et ils font largesse de ce que nous leur attribuons. La prière de nuit est la meilleure des prières surdérogatoires, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la meilleure des prières après la prière obligatoire est la prière de nuit. Et il dit aussi sallallahu alayhi wa sallam: ayyuha an-nas afshu as-salam wa at'imu at-ta'am wa silu al-arham wa sallu bil-layli wan-nas niyam tadkhulu al-jannata bi-salam. Il dit aussi sallallahu alayhi wa sallam: ô vous les gens, diffusez le salam entre vous et nourrissez celui qui en a besoin. Nouez les liens de parenté. Priez la nuit lorsque les gens dorment. Vous entrerez alors au paradis avec le salut. La prière nocturne est donc la meilleure des prières surérogatoires. Et j'ouvre une parenthèse à ce sujet, afin que le musulman prenne en compte la valeur et l'importance de chaque prière. Les meilleures des prières, celles qu'Allah Azza wa Jal a prescrites, ce sont les prières obligatoires. Il dit sallallahu alayhi wa sallam: الصلاة في وقتها خير من الدنيا وما فيها. La prière accomplie à son heure est meilleure que la terre et tout ce qu'elle contient. Les prières auxquelles tu dois donner une importance particulière, ce sont les prières obligatoires. Et pendant le mois de Ramadan, on constate qu'un certain nombre de nos frères et sœurs donnent plus d'importance à la prière de Tarawih qu'à la prière de Isha. Et viennent en retard à la mosquée après la prière de Isha, mais pour eux, le fait d'accomplir la prière de Tarawih est ce qu'il y a de plus important? La réponse est non. La meilleure des prières le soir, c'est la prière de l'Isha. C'est à la prière de l'Isha que tu dois donner le plus d'importance et le plus de soin. La prière de Tarawih, bien sûr, elles sont méritoires, bien sûr, elles sont importantes, mais elles sont incomparables avec la prière de l'Isha. Pareil pour les jeûneurs qui, pendant le mois du Ramadan, négligent les prières de Dhuhr et de l'Asr, par exemple. Et ceci surtout pendant les 10 derniers jours de Ramadan, lorsque les prières nocturnes s'étalent jusqu'à presque la veille du Fajr. Et ainsi, les prières restent éveillées toute la nuit. Il a fait la prière nocturne, il a pris le Fajr et il s'endort. Et il s'endort, il ne se réveille qu'après la prière de Dhuhr, ou juste avant la prière de l'Asr. Et certains dorment même jusqu'à la prière de l'Asr. Si le fait de veiller toute la nuit t'empêche de prier la prière de Dhuhr à son heure, alors tu n'as pas le droit de veiller toute la nuit. Car de veiller toute la nuit en prière est recommandé Et de prier la prière de Dhuhr à son heure est obligatoire. Pourquoi faire un acte recommandé qui t'amène au final à faire un interdit et pas n'importe quel des interdits? L'un des pires interdits qui est de ne pas faire sa prière à l'heure. Donc le musulman doit avoir les idées claires et doit donner à chaque prière son importance et toujours faire précéder la prière obligatoire sur la prière surérogatoire. Parmi les prières, ou celles qui sont considérées parmi les prières de nuit, il y a la prière de l'Witr. Il y a différentes façons d'accomplir la prière de l'Witr. La prière de l'Witr, au minimum, elle est composée d'une rak'at et au maximum de 11. Et il y a différentes façons de l'accomplir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man ahabba an yutira bi wahidatin falyaf'al. Celui qui souhaite faire le witr en accomplissant une seule et unique unité de prière, alors qu'il le fasse. De même que la prière de l'witr peut se faire en 3 raka'at, soit en faisant 3 unités de prière les unes après les autres et faire le salam à la troisième, ou bien de faire 2 unités de prière, de saluer puis de rajouter une troisième raka'at indépendante. De même qu'il est autorisé de faire le witr en 5 raka'at et de ne s'asseoir et de ne saluer qu'à la dernière de celle-ci. La preuve est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam: Man ahabba an yutira bi khamsin falyaf'al. Celui qui souhaite faire le witr en 5 raka'at, qu'il le fasse. Et également la parole de Aïcha radiallahu anha, rapportée par Al-Bukhari et Muslim, qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء منهن إلا في آخرهن. Que le prophète صلى الله عليه وسلم faisait dans, lorsqu'il priait la nuit, il faisait 13 raka'at, dont 5 unités de prière qui étaient son witr sallallahu alayhi wa sallam, et il ne s'asseyait qu'à la 5e raka'at. Également, il est autorisé de faire le witr en 7 raka'at. Et le witr en 7 raka'at s'accomplit comme le witr en 5 raka'at, c'est-à-dire de faire les 7 raka'at les unes après les autres et de s'asseoir à la dernière, puis faire le tashahhud et le salam. Ceci est rapporté par Umm Salama, la mère des croyants, radiallahu anha, qui dit: Kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yutiru bi sab'in wa bi khamsin la yafsilu baynahunna bi salam wa la kalam. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le witr en 5 raka'at ou en 7, et il ne séparait pas ses unités de prière ni par une parole ni par un salam. De même qu'il est légiféré de faire le witr en 9 raka'at. Et le witr en 9 raka'at, pour l'accomplir, il faut s'asseoir à la 8e, puis de faire le tashahhud, de se lever sans saluer, ensuite de faire la 9e raka'at, de faire le tashahhud et le salut. Donc le witr en 3, en 5, en 7 raka'at, on peut faire les unités de prière les unes après les autres, on ne s'assied qu'à la dernière. Lorsque l'on fait le witr en 9 raka'at, on s'assied à la 8e. On fait le tashahhud. On se lève pour prier la 9e. Ensuite, on fait le tashahhud et l'on salue. La preuve est le hadith de Aïcha radiallahu anha, rapporté par Muslim dans son Sahih, où elle dit radiallahu anha: كان يصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم ثم يقوم فيصلي التاسعة ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويحمده ويدعوه ثم يسلم تسليما يسمعنا. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait 9 raka'at. Il ne s'asseyait qu'à la 8e raka'at. Il évoquait Allah subhanahu wa ta'ala et l'invoquait, autrement dit, il faisait le tashahhud, puis il se levait sans saluer. Il accomplissait la 9e raka'at, puis il s'asseyait. Il évoquait Allah, il invoquait, autrement dit, faisait le tashahhud, puis faisait un taslim, et un taslim qu'il nous faisait entendre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam prie également 11 raka'at. On peut prier également 11 raka'at, et celui qui accomplit 11 raka'at, il peut saluer après 2 raka'at. Après chaque 2 raka'at, il salue. Et il fait le witr en une seule raka'at. Donc 2 fois 5, et de compléter par une raka'at à la fin. La preuve est le hadith de Aïcha radiallahu anha, où elle dit radiallahu ta'ala anha: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة. Le prophète صلى الله عليه وسلم priait à partir du moment où il terminait la prière de l'Isha jusqu'à la prière de Fajr, 11 raka'at. Il faisait le taslim entre chaque 2 raka'at, et il faisait le witr avec une seule raka'at. De même qu'il est légiféré de prier 4 raka'at, puis 4 raka'at, puis 3 raka'at. La preuve est le hadith d'Aïcha radiallahu anha également, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait 4 raka'at. Ne demande pas sur leur longueur et le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'appliquait à les accomplir. Il faisait 4 raka'at qui étaient longues, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam prenait soin d'accomplir de façon méticuleuse. Puis puis il accomplissait 4 raka'at. Ne demande pas sur leur longueur et le soin que le professeur sallam prenait à les accomplir. Puis il accomplissait 3 raka'at. Donc ce sont les différentes façons d'accomplir la prière du witr. Il n'y a aucun doute que la prière de nuit pendant le mois de Ramadan a plus de mérite que la prière de nuit accomplie en dehors de Ramadan. La preuve est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam: Man qama ramadana imanan wa ihtisaba. Man qama ramadana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Celui qui prie le mois du Ramadan avec foi et en espérant la récompense verra ses péchés antérieurs pardonnés. Celui qui prie le mois de Ramadan, c'est-à-dire celui qui prie pendant les nuits de Ramadan, celui qui accomplit la prière nocturne pendant le mois de Ramadan, imana, avec foi, c'est-à-dire en croyant en Allah subhanahu wa ta'ala et en ayant la conviction qu'Allah Azza wa Jal te récompensera. Wahtisaba, en espérant la récompense d'Allah. C'est-à-dire que tu ne pries pas pour que les gens disent de toi que tu es un dévot ou que tu pries la nuit. Tu ne pries pas la prière de Tarawih pour un bien mondain, parce que on t'a encouragé, si tu le faisais, à te donner telle ou telle chose. Mais tu pries en espérant la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu pries les nuits de Ramadan avec cette conviction et cette intention, alors Allah Azza wa Jal te pardonnera tes péchés pas antérieurs. Et lorsque l'on dit la prière de Ramadan, cela inclut le début de la nuit comme la fin de la nuit. Et les prières de Tarawih font partie des prières nocturnes pendant le mois de Ramadan. Ainsi, le musulman se doit de s'efforcer à accomplir ses prières de Tarawih. Car, comme l'a dit Allah Azza wa Jal, le mois de Ramadan, ce ne sont que des mois, que des jours comptés. Et les nuits de Ramadan sont des nuits comptées. Ce sont quelques nuits parmi les nuits de l'année. Celui qui prie la prière de nuit durant celle-ci a une récompense immense. Pourquoi se priver de ce bien qui s'offre à nous? Et pourquoi passer à côté d'immenses récompenses qu'Allah Azza wa Jal nous réserve? Ces prières de Tarawih ont été appelées At-Tarawih car à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens les accomplissaient et elles étaient accomplies de façon longue, elles étaient longues, tellement longues qu'après avoir accompli 4 raka'at, les gens se reposaient, puis priaient une nouvelle fois. Et ils prenaient pour exemple le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith de Aïcha que l'on a vu précédemment: فَلَا تَسْأَلْ عَنْ طُولِهِنَّ وَحُسْنِهِنَّ. les 4 raka'at que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient longues, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'appliquait à les accomplir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le premier à avoir légiféré le fait d'accomplir ces prières de tarawih en groupe. Car les prières de nuit ne se font en groupe que pendant le mois de Ramadan. En dehors du mois de Ramadan, cela n'est pas légiféré. Certains vont vous dire, non, l'on peut prier les prières de nuit, même en dehors du Ramadan, en groupe. Car la prière de Tarawih, c'est Omar ibn Khattab radiallahu anhu qui l'a instaurée. La réponse est non. Omar ibn Khattab radiallahu anhu n'a pas instauré la prière de Tarawih en groupe. Mais c'est bel et bien le prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam qui a prié quelques nuits en groupe avec ses compagnons radiyallahu ta'ala anhum. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a délaissé de peur que les prières de Tarawih deviennent obligatoires. Puis pendant le règne de Abu Bakr, de Omar ibn Khattab radiyallahu anhum, il a incité les gens une nouvelle fois à prier en groupe et à faire revivre cette sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam de prier les prières de Tarawih en groupe. La preuve est le hadith de Aisha radiyallahu anha qui dit أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة وصلى بصلاته ناس ثم صلى من القابلة وكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم متفق عليه وكان ذلك في رمضان وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه قال صمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم بنا حتى بقي سبع من الشهر فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل ثم لم يقم بنا في السادسة ثم قام بنا في الخامسة حتى ذهب شطر الليل أي نصفه فقلنا يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه فقال صلى الله عليه وسلم إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. عائشة رضي الله عنها dit que le prophète صلى الله عليه وسلم a une nuit prié à la mosquée. Et lorsque certaines personnes l'ont vu, ils sont priés, ils ont prié avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié à la mosquée le lendemain. Les gens étaient beaucoup plus nombreux. Puis ils se sont réunis la troisième nuit ou la quatrième. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas sorti. Falamma asbah, au matin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est adressé aux gens comme il avait l'habitude de s'adresser sallallahu alayhi wa sallam après la prière du fajr. Il a dit alayhi salatu wa sallam qad ra'aytu alladhi sana'tum, j'ai vu ce que vous avez fait, c'est-à-dire le fait que vous soyez réunis à la mosquée en grand nombre en attendant que je vienne. Car les appartements du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient à proximité de la mosquée. Et l'appartement de Aïcha radiallahu anha donnait directement dans la salle de prière. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien vu que ses compagnons étaient présents dans la mosquée et qu'ils attendaient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam sorte afin de présider la prière de Tarawih. Mais il n'est pas sorti. Et il a dit sallallahu alayhi wa sallam: mais ce qui m'a empêché de sortir vers vous, c'est que j'avais peur que cette prière devienne pour vous obligatoire. Et dans le hadith d'Abu Dharr, il dit: nous avons jeûné avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il n'a prié avec nous la prière nocturne que lorsqu'il restait 7 jours pour que le ramadan se finisse. Il a prié jusqu'au premier tiers de la nuit. Puis, lorsqu'il restait la 24e nuit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas sorti. Mais il est sorti la 25e nuit et il a prié jusqu'à la moitié de la nuit. Nous avons dit: oh envoyé d'Allah, si seulement tu pouvais prier le reste de la nuit. Les compagnons radiallahu anhu qui ont prié la moitié de la nuit avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulaient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam prie avec eux la deuxième moitié. Et c'est là où il a dit alayhi salatu wa sallam: celui qui prie avec l'imam jusqu'à ce qu'il s'en aille, alors il lui sera écrit, il lui sera compté la prière de la nuit entière. Celui qui prie avec l'imam, lorsque l'imam s'arrête au premier tiers ou à la moitié ou avant, lorsque l'on prie avec lui du début à la fin, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala nous inscrit la récompense de la nuit complète. هذا ما تيسر في هذا المجلس وسنوصل إن شاء الله تعالى هذه المجالس مجالس شهر رمضان غدا إن شاء الله تعالى. Donc on s'arrête ici pour aujourd'hui et on continuera إن شاء الله تعالى demain à la même heure et au même endroit. وجزاكم الله خيرا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.